Bon, où est-ce que j'en étais de ces carnets? Tu es sûr que tu veux tout lire? Je te rappelle qu'on a rendez-vous chez Anna dans une demi-heure et qu'on met une 25 minutes en pédalant vite. Hein. Oui, bon, je suis prête et pas toi, comme d'habitude. Donc finis de te préparer, j'arrive, je lis juste celui-là sur... Attends, je me suis pas trompée, j'ai l'impression d'être tombée sur une histoire de clafoutis. Ah oui, non, c'est vrai, j'avais commencé là-dessus pour écrire... sur nos modes de vie concernant la bouffe. Ah oui, en fait, tu m'écoutes plus. Bon, comme d'habitude, hein. Alors. On y va? Oui, une seconde. C'est impressionnant de voir à quel point tout est resté pareil et à la fois comme tout a changé depuis ce moment-là. Tu te rends compte? Je parlais du fait que les gens, pendant le confinement, avaient pris conscience que les circuits d'approvisionnement étaient dingues et envisageaient de passer plus par des circuits courts. Toujours pareil, hein? Ah, ça a quand même évolué, non? Oui, bien sûr, mais... D'ailleurs, pendant les premières années de pratique en tant que paysagiste, on avait eu tellement de commandes pour dessiner les micro-fermes paysagers autour de Paris, tu te souviens? C'était une période faste. Et les Parisiens étaient super participatifs dans le process, c'était vraiment hyper porteur. C'est chouette que les maraîchages et fermes pédagogiques aient perduré. Les familles qu'on reçoit à la mairie nous disent souvent qu'elles vont se fournir en légumes, en produits en laitier et en viande à la ferme de Bagnolet, par exemple. Ça occupe les gosses et puis ça fait du bien de se dire qu'on les achète pas au supermarché. Mais bon, cette période de création de micro-fermes a pris un sacré coup après la deuxième pandémie. Sur le moment, c'était bien. Un paquet de Parisiens s'est abonné à des paniers, mais bon, chasser les habitudes, comme on dit, hein. Enfin, il n'y a plus que nous qui le disons maintenant. Bref, sur quelque chose comme 2500 créations en banlieue, je crois qu'il y en a peut-être 460-470 qui ont dû fermer parce qu'elles ont manqué de subventions ou parce que les gens ont eu marre de manger des betteraves et des patates en hiver. Qu'est-ce qu'on est cons, tu crois pas? Le commerce international, il a pas perdu en vigueur, hein. Et bim, on a quand même bien été surpris de la deuxième crise sanitaire avec le NART 56. Mais qu'est-ce qu'on est cons. Enfin bon, ce qui est chouette, c'est que la ceinture verte se maintient quand même, hein. J'entendais une émission à la radio l'autre jour. Il disait qu'entre 2020 et 2040, Paris avait augmenté son autonomie alimentaire de 10 jours. Tu te rends compte? C'est quand même énorme. Ouais, énorme. Non, mais en vrai, attends, c'est un bon début. Oui, bon, on y va? Et puis, ce qui est bien aussi, c'est que les paysagistes sont pas en manque d'idées pour continuer sur cette lancée. Les pistes cyclables de liaison entre les fermes et les placettes de marché quotidien local, c'est l'agence Paysans et Paysages qui a pensé en premier. Ça a quand même vachement structuré Paris, tu trouves pas? Enfin, surtout dans l'Est, il faut dire. C'est clair. Bon, on y va? Et est-ce que tu savais que 38% des entreprises parisiennes se font livrer des plats des fermes cantines alentour, tous les midis? Bah, ça, c'est les paysages du collectif Paysacteurs qui l'ont fait naître. Ils ont proposé ça d'abord aux nouveaux éco-quartiers, qui concevaient. Et puis, comme ça a bien pris, bah, en fait, ils ont eu plein de commandes et de nouvelles entreprises. Voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Bon, tu sais quoi? Je vais y aller tout seul si c'est ça, au dîner des alternatives proposées par ton équipe. Hein. Non, mais non, attends-moi, j'arrive. Oh, ça va, si on peut même plus avoir 5 minutes de retard. C'est juste de la politesse.